shall welcome in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today is Christmas Day. Heute ist Weihnachtstag. Aujourd'hui c'est Noël. Praise the Lord. Hallelujah. And today also happens to be Sunday. Und heute ist es auch Sonntag. Et aujourd'hui aussi, c'est aussi dimanche. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Another year is coming to an end. Ein neues Jahr, das Jahr neigt sich dem Ende. Et cette année est en train de, de finir, oui, bientôt. I thank you, family. Your family of Christ. Ich danke der Familie von Christus, dass ihr Christus auf Christus hört, auf Christus reagiert. Je vous remercie pour pour votre vie. Je remercie l'Éternel parce que vous êtes en train de agir selon la parole, d'écouter les messages. How you keep on choosing him in spite of the plan of Satan. Against this ministry. Wie ihr den Herrn immer wieder wählt, trotz der ganzen Pläne des Satans gegenüber dieser Gemeinde. C'est bien comme vous êtes en train de choisir Jésus-Christ malgré tous les plans du diable contre cette église. I thank you that you never allow Satan to win. Ich danke dir, dass ihr niemals zulässt, dass der Satan gewinnt. Je vous remercie parce que vous n'autorisez jamais au diable de gagner. Remember, Jesus said, "If people do not even worship me, said the stones will worship me." Erinnert euch daran, dass Jesus Christus gesagt hat, dass wenn die Menschen mich nicht anbeten, werden die Steine es tun. Rappelez-vous que Jésus-Christ a dit une fois que même si les gens arrêtaient de me louer, les pierres vont me louer, vont m'adorer. People are rejecting him everywhere today. Leute verweigern ihn überall, verweigern sie ihn. Les gens sont en train de rejeter l'Éternel partout dans ce monde. Amen. Amen. Even the so-called God children. Selbst die sogenannten Kinder Gottes. Même les soi-disant les enfants de Dieu sont en train de lui rejeter. How many were we last year? Wie viele Leute waren wir letztes Jahr? Combien de personnes on a été l'année passée? Wie viele Leute sind wir heute? Et combien de personnes nous sommes aujourd'hui? Praise the Lord. Hallelujah. The Bible also, call it what it is, which is a race. Mm. Bibel nennt es auch das, was es ist, nämlich ein Rennen. Et la Bible l'appelle aussi, est en train de le nommer aussi cette ce trajet avec l'Éternel comme c'est une course. Il dit que c'est une course. You know, a marathon race is not how many people that start and end it, or that can continue and finish it. Mm. Like a marathon race. Es ist wie bei einem Marathon. Es geht nicht um die Leute, die anfangen zu rennen, sondern es geht um die Leute, die es bis ans Ziel schaffen. Le trajet avec l'Éternel, c'est comme un marathon. Et dans le marathon, il s'agit pas, quand tu cours un marathon, il s'agit pas de combien de personnes vont commencer, mais il s'agit de combien de personnes vont clôturer ou bien finir. It's not about starting with Jesus. To continue with him is more important than even to start. Es geht nicht darum, mit Jesus Christus anzufangen, sondern es mit ihm zu Ende zu bringen, ist sogar wichtiger als es anzufangen. Et du coup, on voit qu'il ne s'agit pas de commencer avec l'Éternel, mais il s'agit de continuer et de clôturer avec lui. And to end with him is even more important to, pretend to continue with him. Und es mit ihm zu Ende zu bringen, ist sogar wichtiger, als einfach nur so zu tun, als ob man mit ihm weitermacht. Et de clôturer avec l'Éternel, c'est même plus important de prétendre de continuer avec lui. Praise the Lord. Hallelujah. I thank you, children, that you never allow Satan to win. Ich danke euch, Kinder, dass ihr niemals zulässt, dass der Satan gewinnt. Je vous remercie, les enfants, que vous ne permettez jamais au diable de gagner. You never obey his voice. Ihr gehorcht seiner Stimme niemals. Vous n'obéissez jamais à sa parole. You only obey the voice of your father. Ihr gehorcht einfach nur der Stimme eures Vaters. They're my sheep. You know my voice. They hear my voice. Amen. Tout comme il a dit que ses enfants vont écouter, entendre sa voix, c'est comme ça que vous êtes en train de réagir à sa voix et vous n'écoutez pas la voix du diable. We know Satan's will. Wir kennen den Willen Satans. His plan in this ministry. Seine Pläne in dieser Gemeinde. On connaît le plan du diable pour notre église, notre assemblée. Which is to steal, kill and destroy. Nämlich zu töten, stehlen und zu zerstören. Alles hier. Lui, son plan, il veut toujours voler, tuer et détruire. Il veut tout détruire ici. Satan, I want to destroy everything, but How many people will say yes to him? Der Satan will natürlich alles zerstören, alles runterreißen. Need somebody. Wie viele Leute kooperieren mit ihm? Le diable, lui, il veut détruire tout concernant cette église, mais combien de personnes vont coopérer avec lui? He need a living thing to do his job. Und er braucht etwas Lebendiges, um sein Werk zu vollbringen. Il a besoin d'un corps vivant pour pour continuer son œuvre. Amen. He always need a vessel. Er braucht immer ein Gefäß. Il a toujours besoin d'un vaisseau. Just like Christ also need a vessel. Genauso wie Christus ein Gefäß braucht. Tout comme Jésus-Christ a besoin d'un vaisseau. They are both spirits. Sind beide Geister. Sind illegal hier auf Erden. Le diable et même le Christ, ils sont illégaux ici. Ils sont pas légaux ici sur terre. Ils sont illégaux. C'est pour cela qu'ils ont besoin d'un vaisseau. Praise the Lord. Amen. They are illegal in the physical world, the natural. Illegal in der physischen Welt, in der natürlichen Welt. Vu qu'ils sont des esprits, ils sont vraiment illégaux ici dans le monde naturel. That's why when you are sick, it is illegal. Genau, wenn du krank bist, ist das illegal. Tout comme quand tu es malade. C'est illégal, c'est pas légal. If you are sad, it's illegal because Satan is at work. You allow him to be. You are not a vessel for him. Ach, wenn du traurig bist, are you getting it? Something you know it's illegal for what Satan have to possess you. Es ist illegal, dass das, was der Satan besitzt, dich einnimmt. Tout comme quand tu es triste, c'est aussi c'est pas légal pour toi parce que c'est illégal, c'est pas légal que un don du diable puisse te posséder. Étant un enfant de Dieu. Praise the Lord. Amen. And that's why also it's not natural for Christ to possess you. Deswegen ist es auch nicht to natürlich, live in you, to dwell in you, and to now live through you. It's not. Don't be surprised if people are being threatened by you. By your message. Wundere dich nicht, wenn Leute sich bedroht fühlen durch deine Botschaft, durch die Botschaft, die aus deinem Mund kommt. Ne sois pas surpris si les gens se sont menacés de ta parole ou bien oui de message de l'Éternel qui vient qui sort de ta bouche. Amen. The spiritual world always need a body. Die geistliche Welt braucht immer den Körper. Le monde spirituel a toujours besoin d'un corps. That's why once they are here, it's not normal. Parce que quand ils sont ici, auf Erden, sind, ist nicht normal. Et c'est pour cela quand les esprits sont ici, c'est pas normal. As God's children, what control you is until you pass. Control your joy. Until you pass, you will not rejoice. Then it's not normal. Because it's that of Satan that is in charge. Und genauso wie wenn du nicht per Glauben wandelst, sondern per Sicht wandelst, dann ist das nicht normal, weil du dann so wandelst, wie der Satan es tut, weil dich die Ergebnisse des Satans kontrollieren. Tout comme étant un enfant de Dieu, si les cinq sens te contrôlent, ça c'est pas normal, parce que tu tenterais de marcher comme, de vivre comme le diable, parce que lui, son principe est que tu es contrôlé par ce que toi tu vois. Et c'est pas le principe du Christ. And that's why, you know, the world today, they have their world. We have our world. Die Welt hat, two different worlds. Hat ihre Welt und wir haben unsere Welt. Et c'est comme ça, et c'est pour cela que ce monde ici a son propre monde. Et nous aussi, les enfants de Dieu, on a notre propre monde. Until you are in heaven, you cannot live the life of heaven. Erst wenn du im Himmel bist, kannst du das Leben des Himmels führen. Tu peux seulement vivre la vie du royaume des cieux si tu es dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas la vivre. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of heaven. Fleisch und Blut können das Königreich des Himmels nicht erben. Parce qu'il a dit que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. It is the spirit that inherits the kingdom of heaven. Es ist der Geist, der das Königreich des Himmels erbt. Du musst dort sein, um es zu erben. C'est l'esprit qui hérite, qui est en train d'hériter le royaume des cieux. Tu dois d'abord mourir pour hériter le royaume. Amen. I thank the Lord that you refuse to allow Satan to bring here down. Ich ich freue mich, dass ihr euch weigert, Satan einen Zugang in diese Gemeinde zu verschaffen, durch den er Je remercie l'Éternel parce que vous êtes entré, vous refusez à donner au diable l'accès pour entrer dans notre église et de continuer à détruire et de mentir et de tuer. I thank the Lord that we are still so many. Ich danke dem Herrn, dass wir immer noch so viele Leute sind. Trotz aller Dinge, die passiert sind. Je remercie l'Éternel parce qu'on est toujours nombreux malgré tout ce qui se passe. I thank the Lord for your cooperation with him. Ich danke dem Herrn für eure Kooperation mit ihm. Je remercie l'Éternel pour votre coopération avec lui. It means you really cooperate with Christ Jesus. Das heißt, ihr kooperiert wirklich mit Christus Jesus, um hier zu sein. Das ist kein Scherz. Pour être capable à continuer ici avec nous, tu dois vraiment être capable. Ça signifie que tu es en train de coopérer avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Lord is so grateful. Der Herr ist dankbar für diese Entscheidung. Et lui, il est vraiment content pour ta décision. So anytime he sees you, he sees that his blood is not in vain. Er sagt immer, wenn er uns sieht, everything he came to do here, he never did not do them in vain. Dass sein Blut und dass sein Opfer nicht umsonst war, nicht vergeblich war. Il a dit que quand chaque fois qu'il te voit, il se réjouit parce qu'il se rappelle que il est reconnaissant que son sang n'est pas coulé en vain dans ta vie. Christmas is the birth of God and not the birth of man. Weihnachten ist die Geburt Gottes und nicht die Geburt von einem Menschen. Noël c'est la naissance d'un Dieu, de Dieu, de Jésus-Christ et pas d'un être humain. It's not about Christmas tree or about, you know, what do you call it? Father Christmas. Es geht nicht um einen Tannenbaum oder den Weihnachtsmann. Il ne s'agit pas d'un sapin du Père Noël. So we make everywhere beautiful for Christ Jesus. Auch wenn wir das ganze Haus schmücken für Christus Jesus. Malgré on a tout décoré pour Jésus-Christ. He appreciates it. Er schätzt das. Et lui, il est reconnaissant. He loves it. Er liebt es. Il aime ça. Because he can see that it's because of him. Weil er sehen kann, dass es wegen ihm ist. Parce que lui, il peut voir qu'on le fait pour lui. That we are doing it. Dass wir das tun. Qu'on fait seulement ça pour lui. It means we can obey him in everything. Das heißt, wir können ihm in allem gehorchen. Ça signifie qu'on est capable à lui obéir. And not pick and choose what we like or what religion will tell you or tell us is wrong or is right. Und nicht einfach nur von dem wählen, nicht wählen, was Religion uns diktiert. Il peut voir qu'on est en train de lui obéir et pas d'obéir à ce que la religion titulaire comme juste ou bien injuste. Christmas is the birth of Christ. Weihnachten ist die Geburt von Jesus Christus, die Geburt Gottes. Noël est la naissance de Dieu, de Jésus Christ. Oui. If they believe it or not, it's their business. Ob sie es glauben oder nicht, ist ihre Sache. Si les gens le croient ou ils le croient pas, c'est leur problème. It's like, you know, Christ is, you know, Jesus is a king. If you believe it or not. Genauso wie Jesus ist König, ob du es glaubst oder nicht. Tout comme le fait que Jésus Christ est un roi. Si tu le crois ou tu le crois pas. Amen. He is born a king. Er ist als König geboren. Il est né comme un roi. No man made him a king. Niemand hat ihn zum König ernannt. C'est personne qui lui a donné la couronne d'être un roi. So also is born God. Genau so ist er geboren Gott. Tout comme il est né un Dieu. It's no one. If you worship him or not, that does not mean he's not God. I don't know if somebody's getting it. Amen. Okay, ob du ihn anbetest oder nicht, das heißt, dass er Gott ist oder nicht Gott ist. Donc, peu importe si tu lui adores ou tu ne lui adores pas, ça signifie pas qu'il n'est pas un Dieu. Nothing can change him. Nichts kann ihn ändern. Rien peut changer ce fait que, oui, de lui changer ou bien changer le fait qu'il est un Dieu. Er ist Gott. Parce que lui, il est Dieu. Everywhere in the Bible, they are saying, this is God. Über God. Der Bibel lesen wir immer wieder, er ist Gott, er ist Gott. Partout dans la Bible, on continue à lire que c'est lui qui est le Dieu. Amen. Mm-hmm. Allah do not celebrate Christmas. Viele feiern Weihnachten nicht. Il y a beaucoup de gens qui ne fêtent pas Noël. If they feel celebrate it or not, does it even matter? Du feierst oder nicht, es ist egal. Le fait que tu puisses le célébrer ou pas, c'est ton problème. That you know that the baby is born. It's a problem for you. It's an evidence. Dass du weißt, dass ein Kind geboren worden ist, ist ein Zeugnis gegen dich. Mais le fait que tu sais que un fils nous a été né, c'est un évidence contre toi. Amen. C'est un témoignage contre Amen. Toi. Amen. You know, that's one thing with God. Und das ist die Sache bei Gott. Et ça c'est le fait de, chez Dieu. There's no one that does not know there's God. Es gibt niemanden, der nicht weiß, dass es Gott gibt. Il y a personne qui ne sait pas que Dieu existe. You know the atheists. You know they want to say there's no God until when you point gun to their head, they will say, "My God, my God." Where's that God coming from? You know that there's God, but that God is not you. Die Atheisten, sagen, dass sie nicht an Gott glauben, aber sobald man ihnen eine Knarre vors Gesicht hält, fangen sie an, nach Gott zu rufen. Na, oder sobald das Flugzeug, in dem sie sitzen, Turbulenzen hat, fangen sie an, nach Gott zu rufen. Sie wissen, dass es Gott gibt. Et les athéistes, par exemple, ils veulent prétendre qu'ils ne savent pas qu'un Dieu, qu'ils ne croient pas qu'un Dieu existe. Mais dès que je vais, par exemple, ils se trouvent dans une situation très dangereuse, dans un avion qui est prêt à écouler, par exemple, ils vont commencer à dire que, oh Dieu, oh Dieu, mais tu dis Dieu, je pensais que tu ne crois pas en Dieu. Donc tu vas voir, ça va te faire voir qu'ils croient, ils savent que Dieu existe. They pretend to believe there is no God. Sie tun so, als ob es keinen Gott gibt. Ils sont en train de prétendre, de croire qu'il n'y a que Dieu n'existe pas. For some, it's about because you know things are not working according to the good of this world. If God is really there, why have children dying? The good of this world. Sie sagen, dass wenn Gott doch wirklich da ist, sterben Kinder. Weshalb gibt es überall Krieg? Et pour quelques d'entre les, il y a beaucoup de gens qui disent ils sont athéistes parce que ils ont vu qu'il y a beaucoup de mal dans le monde et c'est pour cela pour eux ça n'a pas de sens selon le bien de ce monde et c'est pour cela ils sont en train de refuser l'existence de Dieu. In a nutshell, there is no one that does not because that space is in our heart that we know that we are to know that there is God. Denn da ist diese Lücke, dieses Herzstück, was fehlt, was uns sagt, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich da ist, Jesus Christus. Dans la Bible, il nous dit dans Romains 1, il nous dit qu'il y a dans chaque être humain un espace dans ton cœur qui sait que Dieu existe. You are not God, and who is this God? I want to know him. Du bist nicht Gott, und wer ist dieser Gott? Du willst diesen Gott kennen, und dahinter sollst du sein. Normalement, chaque être humain doit accepter de reconnaître que oui, je suis pas un Dieu, mais il existe un Dieu. Mais qui est ce Dieu? Et je veux le connaître. That you are not looking for him, it is an evidence against you. Dass du nicht nach ihm suchst, ist ein Zeugnis gegen dich. Mais le fait que tu ne cherches pas, c'est déjà une évidence contre toi. Amen. That you know you are looking for him in your own way, it's evidence against you. Dass du auf eigene Weise nach ihm suchst, ist ein Zeugnis gegen dich. Le fait que tu es en train de le chercher par ta propre manière, c'est aussi une évidence contre toi. People's prayer should be, God, I know you live. I know you are there. Help me to know you. Das Gebet der Leute sollte sein, Herr, ich weiß, dass du lebst und hilf mir, dich zu erkennen. Hilf mir, zu wissen, wer du bist. La prière des êtres humains doit être, Dieu, je sais que tu existes. Aide-moi à te connaître, à te reconnaître. The birth of Christ is evidence against your sin. Die Geburt von Christus ist ein Zeugnis gegen die Ungläubigen. La naissance du Christ c'est une évidence contre les incroyants. It is a reminder for us. Es ist eine Erinnerung an uns. C'est ça te rappelle de nous. It is a reminder of our life. Es ist eine Erinnerung an unser Leben. Là, on se rappelle de notre vie. Because it is the birth of our life. Weil es die Geburt unseres Lebens ist. Parce que c'est la naissance de notre vie. Amen. Colossians 3:7. Colossiens 3 steht, dass Christus unser Leben ist. Colossiens 3 nous dit que Jésus-Christ est notre vie. Christ's birth is the birth of our life. Die Geburt von Christus, die Geburt unseres Lebens. La naissance de Dieu, c'est une évidence pour notre vie. I want to preach it fully, but the Lord said, just short. Ich möchte das vollkommen predigen, aber der Herr hat gesagt, ich soll nur kurz das anschneiden, weil es geht um etwas anderes heute. Je veux, oui, on va maintenant changer le thème. Je voulais le prêcher, mais l'Éternel m'a dit a prévu une autre chose pour nous aujourd'hui. Again, Christ's birth is the birth of our life. Die Geburt von Christus, die Geburt von unserem Leben. La naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance de notre vie. Life is greater than everything. Das Leben ist größer als alles andere. La vie, c'est plus grand que toute autre chose. Matthäus 6, 25. Amen. Praise the Lord. Matthäus 6, 25. Amen. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Amen. If he can tell you, take no thought for your life, which is greater than everything. It actually means take no thought for anything at all. Wenn er sagt, sorgt euch schon mal Leben. Don't allow anything to bother you at all. Wenn er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben und das Leben ist so größer als alles andere, es ist größer als Studium, Arbeit, das heißt, dann ist doch alles andere schon abgedeckt, weil nur jemand, der lebendig ist, kann eine Prüfung schreiben, nur jemand, der lebendig ist, kann heiraten, nur jemand, der lebendig ist, kann Kinder kriegen oder umziehen. Ne? Et si lui, il nous dit ici que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, on vous demande pour votre vie. Donc si lui nous dit de ne pas s'inquiéter de notre vie, ça signifie que toute autre chose. Et oui, et la vie est la une chose la plus grande et la chose la plus grande dans ce monde pour nous. Ça signifie que toute autre chose, c'est rien pour lui. Toute autre chose, il l'a déjà résolu. Il nous a déjà aidé. Praise the Lord. You better pray that Christ is your life. Betet lieber dafür, dass Christus euer Leben ist. C'est pour cela on doit prier que le Christ doit être notre vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So, therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink. Nor yet for your body, what you shall put on. Is not the life more than meat? Amen. And the body than raiment. Is you know the life is greater. Jesus is saying life is greater than everything. Il nous dit ici que en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous habiller. La vie ne vaut pas bien que la nourriture et le corps ne vaut pas bien que plus que les vêtements. Donc ici il veut te dire qu'il n'y a rien qui est plus important que la vie. If you bring a corpse here right now, a dead body, you can see, can do nothing. Wenn eine Leiche hier reinbringen würde, würdest du sehen, dass sie kann nichts tun. He cannot even fight for himself. Kann nicht für sich kämpfen. Nothing. Du kannst nichts mehr. Is a dead man. Tun, weil ein toter Mensch ein toter Mensch ist. Mm. Si par exemple, tu emmènes un corps mort ici, tu vas voir que ce corps ne peut rien faire. Il est mort, il ne peut pas agir, il n'a pas de vie en lui. Amen. Amen. It's a life is more than meat. Das Leben ist mehr als die Speise. Il dit que la vie c'est plus importante que la nourriture. Amen. Amen. It means you need food to live. Das heißt, du brauchst Essen, um zu leben. Ça signifie que tu as besoin de la nourriture pour vivre. But to live is greater than food. Mais to live is greater than food. I don't know if you, mais somebody is getting le fait de vivre, d'avoir la vie dans ton corps, c'est plus, you need c'est mieux food que ton to eat, ta your life is greater than that food. Auch wenn du Essen brauchst, um zu leben, ist dennoch dein Leben größer als dieses Essen. Malgré tu as besoin de la nourriture pour vivre, ta vie est plus grande que la nourriture. Until you are alive, you cannot eat. Weil wenn du lebendig bist, kannst du auch essen. Parce que c'est seulement un homme vivant qui est capable de manger. Christ's birth is the birth of our freedom. Die Geburt von Christus ist die Geburt unserer Freiheit. La naissance de Jésus-Christ, c'est la naissance de notre liberté. Praise the Lord. Alléluia. The freedom from all bondage. Freiheit von allen Gefangenschaften. La liberté de toute captivité. Both spiritual and physical. Geistige und physische Gefangenschaften. Captivité naturelle ou aussi surnaturelle, also spirituelle ou naturelle. Oui. Amen. Amen. The birth of salvation. Die Geburt der Errettung. Amen. La naissance du salut, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mm-hmm. The birth of deliverance. Die Geburt der Erlösung. C'est la naissance de la délivrance. Came to deliver from this present evil. Er kam uns zu erretten, herauszuretten aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Il est venu pour nous sauver, nous sauver de ce monde vraiment oui, démoniaque. This is the birth of all this message. That is, you know, all topic. Das sind alles Themen. It is the birth of our marriage. Die Geburt unserer Ehe mit ihm. Donc, amen. Sa naissance, c'est aussi la naissance de notre mariage avec lui. Let us continue to be married to him. Lass uns weiterhin nur amen. Mit ihm verheiratet sein. On doit continuer à être vraiment marié avec lui. Because you are either married to Christ or you are married to Satan. Mm. Du bist entweder verheiratet mit Jesus oder mit dem Satan. Du entscheidest. Parce que tu es ou tu es marié avec le Christ ou tu es marié avec le diable. C'est toi qui dois choisir. Amen. Amen. Just like you know, the children, the first church, they choose to have a king. Genauso wie die erste Gemeinde, sie haben sich dafür entschieden, einen König zu haben. Tout comme la première église, eux, ils ont choisi, ils sont décidés d'avoir un roi. Amen. Amen. They were already having a king. Sie hatten schon einen and König. That king was God Almighty. Dieser König war Gott selbst. Mais eux, ils avaient déjà un roi, et ce roi-là, c'était Dieu lui-même. He was ruling over them through through Samuel. Über sie geherrscht durch Samuel. L'Éternel a régné sur eux à travers Samuel. Mm. But they now demanded to have a king like the natural one. Aber sie forderten dann einen König, so wie die natürliche Welt. Mais pour eux, c'était pas suffisant. Ils ont commencé à demander d'avoir un roi. The Lord was not against their having a king. He was against their desire. Mm. Der Herr war nicht dagegen, dass sie einen König haben wollten, sondern der Herr war gegen ihre Wünsche. L'Éternel n'était pas contre eux, ne voulait pas qu'ils puissent avoir, n'était pas contre le fait qu'ils veulent avoir un roi, mais il était gegen ihre Wünsche. Mais il était contre leurs vœux. He was their king. He was denn not against them having a king, mm. because he was their king. Yeah. Er war nicht dagegen, dass sie einen König haben, denn Somebody er war ja ihr König. Lui n'était pas contre le fait qu'ils veulent avoir un roi, parce que lui-même il était leur roi. Yes. Just like he's not against you being married, because he's your husband. Yeah. Amen. Genauso wie er nicht dagegen ist, zu heiraten, er ist ja dein Ehemann. Amen. Tout comme lui il n'est pas contre le fait que tu sois marié, parce que lui il est ton mari. How was he? You know, if you see how he was a king today, then you will know how is your husband to you. Mm. Wenn du dir anschaust, wie er König war für sie, erkennst du, wie er Ehemann ist für dich. No? Lass uns Heiliger Geist jetzt noch weiter und tiefer erklärt. Amen. Tout comme lui, il voulait qu'ils puissent comprendre que c'est lui qui est leur roi. C'est comme ça qu'il veut aussi comprendre que toi, tu n'as pas besoin d'être marié pour avoir un mari. Qui lui, il est déjà ton mari. He is not against you married. That's that he wants to be their husband. Aber er möchte ihr Ehemann sein. Go through, you know, just like Samuel was there. Genau, want somebody there for you, but that person must be chosen by him. Er möchte, dass jemand für dich da. Er möchte, dass eine Person da ist, aber diese Person muss von Gott selbst auserwählt sein für dich. Dieu lui-même, il veut que tu puisses avoir quelqu'un, mais cette personne-là doit être choisie par le Dieu lui-même. Remember how he chose Samuel. Erinnert euch daran, wie er sich für Samuel entschieden hat. Rappelle-toi comment il a choisi Samuel. Praise the Lord. Hallelujah. I'm supposed to be to this meeting, but thank you, Jesus. We will not continue from where we stop. We will not continue from where we stop on Wednesday. Wir werden jetzt weitermachen, wo wir am Mittwoch aufgehört haben. On va continuer là où on a arrêté. Amen. Amen. Beware of the evil spirit. Nimmt euch in Acht vor dem bösen Geist, der sie einnimmt, der sie beherrscht. Et il nous dit qu'on doit vraiment faire attention de ce mauvais esprit qui a possédé les autres personnes. This spirit will possess you if you are full of pride. Dieser Geist wird dich auch einnehmen, du voll bist von Stolz. Parce que si tu es une personne qui est plein d'orgueil, cet esprit va te posséder. How do you start to invite the holy that this evil spirit is pride, true pride. Und wir laden diesen Geist ein durch Stolz. Et on est en train d'inviter cet mauvais esprit quand on est on est fier, on est plein d'orgueil. This spirit does not force you to impose to, it does not force you to possess you. Dieser Geist it does not force you. Zwingt sich dir nicht auf. Cet esprit-là va pas se forcer, oui, te forcer de d'avoir accès à, oui, de ton accès. If he forces, he will force every one of us. Weil wenn er sich einem aufzwingen würde, würde er uns ja alle einnehmen, weil er will ja töten, stehen und zerstören. Er will, dass alle weg sind. Donc on doit comprendre que cet esprit-là ne va pas se forcer en toi. Parce que sinon, il allait se forcer en tout à chacun de nous. He needs your cooperation. Aber er braucht deine Kooperation. Il a besoin de ta coopération. Without your cooperation, he can do nothing. Ohne deine Kooperation kann er nichts mit dir anfangen. Sans ta coopération, cet esprit ne peut rien faire avec toi. He has many ways to come into your life. Er hat viele Wege, wie er in dein Leben eindringt. Il a différentes manières de venir dans ta vie. Number one is through pride. Der erste Eingang ist durch Stolz. La première entrée c'est à travers l'orgueil. Amen. Amen. Also, you know, rejecting the message of Christ. Ein weiterer Eingang ist die Botschaft von Christus Jesus zu verweigern. Ou bien quand tu veux le deuxième sort c'est quand tu refuses d'accepter le message du Christ. The message of Christ is to guide you. Die Botschaft von Christus muss dich führen. Parce que le message du Christ doit te guider. Are you getting it? It's like a navi. Navigate. You know, once you are traveling, the navi is showing you the way. It's guiding you. Mm-hmm. So that you can get to the right, that destiny, mm-hmm. the destination. Mm-hmm. But you can get to where the destination that, you know, the Lord wants you to be. The message is to guide you. Mm-hmm. But if you are picking and choosing what you want, what you don't want, you open the door for that spirit to come in. Das Navi sollte dich eigentlich führen und leiten. And it will come in. Und an das Ziel bringen. Aber wenn du nicht auf dieses Navi hörst, dann wirst du da landen, wo der Satan nicht haben möchte. La navigation est par exemple là, elle est là pour te guider, pour te montrer ton chemin. Mais si toi tu ne prêtes pas attention, tu vas te perdre. Et tout comme c'est avec être un enfant de Dieu, le message du Christ est ta navigation. Et si tu ne prêtes pas attention au message, c'est le diable qui va te guider. If you start rejecting the message that Christ is preaching here, wenn du to anfängst, you, die Botschaft you know, zu verweigern, die Christus zu dir hier predigt, mm-hmm. dann weißt du, dass du weg bist. Si tu commences à rejeter le message que l'Éternel te donne ici, là, tu dois commencer à comprendre que tu es. It's like you don't know the way, but the navi that it will show you the way, you reject it. Es ist so, als ob du den Weg nicht weißt. If somebody gives you something. Und auf einmal mitten sozusagen auf der Autobahn dann das Navi ausmachst und nicht mehr drauf hörst, dann du verfährst dich. Wo bist du? C'est comme si tu connais pas la route et ta navigation, tu l'éteins. Et où est-ce que tu vas partir? Comment tu vas savoir ton but? Tu vas jamais arriver. Remember, he said, I am the way, the truth, and the life. I am the way. The message is the way. That is the message is what guides you, take you, continue to guide you. Amen. And if you say no to it, it's over with you. Wenn du nein zu der Botschaft, ist es vorbei mit dir, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Erst dieser Weg, wenn du diesen Weg verweigerst, ist vorbei mit dir, weil die Botschaft dieser Weg ist. Oui. Donc, ça signifie que si tu ne prêtes pas attention au message, là tu es perdu parce que lui dit que c'est moi qui est le chemin et c'est la parole de son message. La parole, c'est ça qui est ton chemin. Et si tu rejettes ce message, donc tu es perdu, tu n'as plus un chemin. Tu vas partir où? He never created man to direct his ways. Hat den Menschen nicht erschaffen, um seine eigenen Wege zu leiten. Amen. Parce que lui n'a pas créé l'être humain pour diriger ses propres pas. Praise the Lord. Alléluia. He did not create any man. Even Adam. He said, I will be the one that will guide you. But if you say no to him, it's over. Yeah. That's why Jesus said, without me, you can do nothing. Er hat uns erschaffen, um uns zu leiten, und nicht, dass wir uns selbst leiten. Das hat er bei Adam gezeigt, aber wenn wir das nicht zulassen, ist es vorbei mit uns. Lui nous a créé pour que on puisse pour que lui puisse nous guider. On a vu ça aussi avec Adam. Il a dit à Adam, moi je veux te créer, je te donne tout, mais c'est moi qui est entré qui te dirige. Mais on a vu que ce qu'il a fait quand il a commencé à diriger sa propre vie. The message is how he guides you. Die Botschaft ist die Art und Weise, wie er dich führt und nicht durch Vision. Das, was der Mensch Vision nennt. Le message, c'est ça qui va te guider, c'est ça ta navigation. C'est pas le vision ou bien des rêves, des histoires comme ça. Non, c'est le message, c'est sa parole, c'est lui-même. Amen. This spirit can come into you in many ways. Und dieser Geist kann auf unterschiedliche Weise zu dir kommen. Ce mauvais esprit peut venir en toi dans des différentes manières. Pride is like a container. Stolz ist wie ein Behälter. There are lot of things inside. Und in diesem Stolz sind viele Dinge. L'orgueil c'est comme un container et dans l'orgueil il y a vraiment beaucoup des histoires qui sont vraiment ce sont des petites choses qui sont vraiment comme des venins, c'est dangereux. Das Gleiche, was den Satan, was Lucifer gestürzt hat aus dem Himmel. C'est ce même orgueil qui a fait tomber le diable. C'est quelque chose de vraiment très dangereux. Il demandait worship. Er wollte angebetet werden, Lucifer. Er war voll von sich selbst. Il voulait être adoré. Il était vraiment rempli de soi. If they worship God, why don't they worship me? Er hat gesagt, wenn sie Gott anbeten, weshalb beten sie nicht mich an? Why are they here listening to the pastor, not me? Also auch Leute sagen es hier, sie hören den Pastor zu, aber nicht mir. Imagine. Tout comme les gens le disent aujourd'hui aussi, ils disent que oui, ils sont en train de adorer l'Éternel. Pourquoi on m'a pas aussi adoré? C'est ça que disait le diable Lucifer. Tout comme aujourd'hui ici dans l'église, les gens vont dire, mais ils sont en train d'écouter au pasteur, mais la même chose que je dis, ils sont pas en train de prêter attention. C'est la même chose. You know, Satan, he said, Lucifer, when he was in heaven, why are they worshiping God and not worshiping me? Yeah. The same thing, people in the church will say, if I say thing, they will not believe, but if the pastor say, they will believe. Mm-hmm. You compare yourself. Yeah. Don't put yourself in the position where you are. Dieses Vergleichen merken wir halt, na, sehen wir halt bei Lucifer, er hat sich mit Gott verglichen und gesagt, wenn die Engel Gott anbeten, wieso können sie nicht mich anbeten? Und genauso auch hier in der Gemeinde, wenn Leute sagen, ja, man glaubt alles, was die Pastorin sagt, aber wenn ich etwas sage, dann hinterfragt man das. Aber vergleiche dich nicht mit mir. Et c'est tout comme les gens sont en train de dire que oui, ils sont en train de... Quand je dis une chose que le pasteur le dit, ils disent oui, mais quand c'est moi qui le dis, ils disent non. Mais toi, ne te compare pas avec moi, tu n'es pas la même personne. Et donc, c'est, tu n'es pas, tu es aussi, tu es pareil à Lucifer quand tu fais quelque chose. The Christ is grace. And the message is a message of grace. Does not mean you compare yourself to him. Weil Christus Gnade ist und eine Botschaft, die Gnade Gottes predigt, heißt das nicht, dass du dich mit ihm messen oder vergleichen sollst. Juste parce que Jésus-Christ est la grâce et il a t'a donné aussi une grâce et ça signifie pas que tu dois comparer sa propre parole avec la tienne. He said, without me, you can do nothing. Denn er sagt, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Auch wenn ich die Gnade predige. Parce que Jésus-Christ, il a dit que sans moi, vous êtes capable à rien faire, même si je suis en train de prêcher la grâce. You know, people say we don't need Moses again. We don't need, Moses is not Jesus Christ. Jesus is going to go through somebody. Und even Jesus, to you. Leute würden sagen, he is spirit. He needs a body to represent him. Dass man, dass Mose sozusagen nicht mehr gebraucht wird, dass ein Mensch nicht mehr gebraucht wird, aber der Herr braucht Menschen, durch die er sprechen kann, ne, und durch die er auch führen kann und leiten kann. Il y a des gens qui disent que oui, Moïse n'est plus utile, mais oui, l'Éternel a toujours besoin, jusqu'aujourd'hui, il a besoin d'un corps vivant à travers qui travailler. Papa want to say something. Donc papa dit aussi que même le dernier, même ton chef, il a toujours le dernier mot. C'est lui qui est entré, qui est l'autorité au travail. Amen. Amen. Lord, this evil spirit, you are to hate it. Du musst diesen bösen Geist hassen. On doit vraiment apprendre à détester ce mauvais esprit. Denn er streunert herum. Parce que cet esprit est en train and de s'y ronder. Looking for who he will devour. Und er sucht nach jemandem, den er verschlingen kann. Il est en train de chercher quelqu'un qui dévorait. Allow your heart to be open. That is how you shut him out. Lass zu, dass dein Herz offen ist. So versperrst du ihm den Weg. To Christ. Lass zu, dass dein Herz offen ist gegenüber Christus. So versperrst du diesem Geist den Weg. En fait, cet esprit est en train de s'y rendre et chercher quelqu'un à dévorer. Mais c'est toi, tu dois permettre ton cœur à être ouvert pour le Saint-Esprit, pour Jésus-Christ, pour la vérité. Et c'est comme ça qu'il n'aura pas accès à toi. Remember six things the Lord hates. Erinnert euch daran, sechs Dinge hasst der Herr. Rappelez-vous qu'il y a six choses que l'Éternel déteste. Un proverbe. There are six things I did not even understand before that he helped me to get. Now, amen. Es gab eine Stelle, die ich vorher nicht verstanden habe, die er mir aber jetzt näher gebracht hat. Amen. Il avait une place là que je n'avais pas compris, mais l'Éternel m'a aidé à le comprendre. He said a fool that is swift. He said, let's go there, proverbe. On va le dire ensemble, le proverbe. Praise the Lord. Proverbe 6. Sprüche 6. Proverbe 6. Vers 18. Sprüche 6, vers 18. Proverbe 6, verset 18. He said, and how that devised wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief. That's where I'm going to. Feet. Once you see somebody disobeying Christ, you are the first to join. Wenn jemand siehst, der Christus missachtet und du die erste Person bist, der diese Person dabei unterstützt, er hasst es. Proverbe 6, 18. Le cœur qui médite des projets coupables, les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Donc, il parle d'une personne, par exemple, quand tu vois quelque chose de mal qui est contre l'Éternel, au lieu que tu puisses être à la place de l'Éternel, tu es en train de rejoindre le mal. Are you getting something? Mm. That's why, you know, whatever decision you take, you better watch it carefully. Bitte begutachte sie nochmal. Et c'est pour cela, c'est important que n'importe quelle décision tu es en train de prendre, tu dois vraiment l'examiner. Somebody is living to sleep, for example. Jemand geht zum Beispiel Und weil diese Person das macht, dann siehst du dich dazu eingeladen, das genau auch so zu tun, um das nachzumachen. Aber wenn die Person geht, kann ich ja auch gehen. Par exemple, un exemple, c'est par exemple quelqu'un dit que je pars dormir et toi tu vas te dire ok, si la personne veut dormir, moi aussi je veux partir avec la personne, donc tu suis une autre personne en fait. If that one can disobey, I can also disobey. Wenn diese Person ungehorsam ist, kann ich auch ungehorsam sein. Si quelqu'un désobéit, moi aussi je peux désobéir. They run to mischief. They are so fast when she comes to something opposite Christ. Und sind schnell darin, in die gegensätzliche Richtung von Christus zu laufen. C'est ce qu'il dit, c'est les pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Donc ce sont les gens qui sont en train de courir, qui sont vite à rejoindre le mal. When somebody's falling, immediately they are the next. Wenn eine Person fällt, sind sie direkt hinten dran, fallen mit. Ou bien les gens qui sont en train de tomber. Si quelqu'un tombe, toi tu es directement la prochaine qui aussi qui tombe aussi. Ou bien qu'on a même peur que tu peux être la prochaine. Qui sont ces gens là? Amen. C'est de ça qu'il parle. The spirit have many ways that he can't come into you. Der Geist hat viele Wege, wie er in dich hineinkommen kann. L'esprit a beaucoup de plusieurs manières à avoir accès à toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He can also come into you. Und dieser Geist kann auch in dich hineinkommen. Cet esprit peut aussi avoir accès à toi. Through the people you communicate. Durch die Leute, mit denen du dich austauschst. À travers les gens avec qui tu es en train de communiquer. Praise the Lord. It's an evil communication, corrupt good manners. Mm, have you ever read that, please? Then, people you move with, schlechter Umgang, give you advice. What problem those you run to? Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die Leute, zu denen du rennst, wenn du Probleme hast, wenn du dich aus kotzen musst, sozusagen. Wohin gehst du? Il dit aussi la Bible dit aussi que une mauvaise compagnie est en train de gâcher aussi chaque bonne manière. Et c'est pour cela, là aussi, il faut faire attention. Qui est ta compagnie? Qui est en train de gâcher tes bonnes manières? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hast es den Satan zu gehorchen? Tu dois vraiment détester d'obéir au diable. Amen. Don't be the one that you say. Sei nicht derjenige, der sich für den Satan entscheidet. Ne sois pas la personne qui est en train de se décider. Before that, I choosing him, I will choose Christ. Wenn andere Satan wählen, ich wähle Christus Jesus. Tu dois toujours te dire que même si tout le monde est en train de choisir le diable, moi je veux choisir le Christ. Yeah. Amen. Others may choose Satan, but for me, it is Christ forever. Andere wählen vielleicht den Satan, für mich ist. And not when you see them choose immediately, you are the next. Wählt immer Christus, aber nicht. Eine Person wählt nicht Jesus Christus, dann kann ich mich ja direkt damit anschließen, anhängen. Et tu dois toujours choisir Jésus Christ. Pas te dire que si une personne ne choisit pas Jésus Christ, moi directement je veux aussi. Tu commences aussi à voir que il avait raison. Moi aussi je veux faire la même chose. Non, regarde quel côté où est le Christ et c'est pour cela et là tu dois t'attacher à ça. Dieses Verhalten zur Gewohnheit machen, dass Leute sich dann gar nicht mehr wundern, dass man sich mit für den Teufel entscheidet. Et il faut vraiment faire attention parce que c'est un comportement où tu même toi tu n'es pas conscient mais les gens ou bien les autres tes frères et sœurs ne vont même pas être surpris si toi tu tombes ou bien tu choisis de partir avec le diable. For example, you have problem with here. Who will you run to first? Problem mit dieser Gemeinde. Wohin gehst du zuerst? Par exemple, si tu as un problème avec cette église, tu vas partir chez qui d'abord? Amen. Amen. It should be the Holy Spirit. Sollte der Heilige Geist sein. Ça doit être le Saint-Esprit. With an open heart, not with einem offenen Herzen heart. Und nicht mit einem voreingenommenen Herzen. Herz, was voll mit Selbst ist. Amen. Si tu as un problème avec cette église, tu dois partir directement chez le Christ avec un cœur ouvert, mais pas avec un cœur déjà avec des préjudices ou bien Amen. Avec Amen. Tes propres opinions. Allow it to be a heart that is full of Christ. That is all Herz about Christ Jesus in was you. Voll ist von Remove Jesus. Yourself from anywhere. Entferne dich von allem anderen. Tu dois vraiment permettre que ton cœur soit vraiment pur ou bien prêt à choisir, rempli du Christ lui-même. Et oui. Amen. Amen. Don't remove yourself from God's children. Don't remove yourself from the telephone. It's not remove yourself from a website or whatever they call it. It's not remove yourself from the Bible studies. Remove yourself from yourself. From yourself. Mm-hmm. It's not about you. Ja. Entferne dich von dir selber. Entferne dich nicht von der WhatsApp-Gruppe oder von der Bible Study oder von der Gemeinschaft. Und entferne dich von dir selbst, denn du bist das Problem. Et par exemple, si tu as un problème, il ne s'agit pas, ok, de, oui, que tu vas avoir une pause ou bien de t'enlever de l'école biblique ou bien avoir de ta distance avec les enfants de Dieu ou bien des groupes, des réseaux sociaux. Non, tu dois vraiment te, t'écarter de toi-même parce que c'est toi le problème, c'est ton soi qui est le problème, qui cause la problème, le problème. Et c'est pour cela que tu dois encore être plus près des enfants de Dieu et pour t'écarter de toi-même. Amen. Amen. You know, they will remove. They want to remove everything. Mm. The social media, the this, the that, the, but their self is still occupied. They are still occupied with themselves. And you always expect to hear the voice of the Holy Spirit. Viele wollen sich von so vielen Sachen entziehen, aber sie sind immer noch voll von diesen Dingen, ne? Und man wundert sich, weshalb man da nicht frei ist. Et il y a beaucoup de gens qui vont se carter de toutes choses, de toutes sortes de distractions. Mais ils ne comprennent pas que tu dois t'écarter de toi-même parce que toi-même, tu as cet orgueil en toi. Et c'est de ça que tu dois t'écarter. Ça va pas te, ça te sert à rien de rester avec ton orgueil et de t'écarter avec les enfants de Dieu. Ça te sert à rien. The Spirit can come into you. Through those you refuse to move. Through those you move with. Those you refuse to let go. Und dieser Geist kann wieder in dich hineinfahren durch die Leute, die du nicht loslassen kannst für Jesus Christus. Et cet esprit peut entrer en toi à travers cet esprit que tu ne veux pas délaisser ou bien oui abandonner à travers aussi oui ton, quand tu ne veux pas abandonner autre personne qui refuse l'éternel pour Jésus Christ. Amen. Pour rester Amen. Avec lui. I remember a husband and wife that was not here. They were always communicating with people secretly. Whatever you refuse to let go will take you. It's a matter of time. Und ich kann mich auch an ein Ehepaar hier in der Gemeinde erinnern, was immer mit anderen Leuten verdeckt Kontakt hatte. Und immer diese Beziehung, die sie zu anderen Leuten hatten, immer verdeckt haben vor der Gemeinde. Mein, das vor Christus, und ne, vor Christus liegt das aber alles offen. Et je me rappelle aussi d'un couple qui était ici, qui était en train de communiquer avec autre personne et ils étaient en train de le faire en cachet, par exemple. Et oui. C'était très dangereux pour eux. I will not take your phone from you to ask to check who you for, who you communicate with. It's your business. But the Holy Spirit knows your phone. Ich werde mir dein Handy nicht angucken und anschauen, mit wem du schreibst, mit wem du dich austauscht. Aber der Heilige Geist sieht das, er weiß es, er kennt die Verläufe, er weiß, wen du likest, wen du folgst, er weiß das alles. Communication. Moi, je ne veux pas te surveiller, je ne veux pas commencer à examiner ton téléphone ou me demander « montre-moi tout », mais le Saint-Esprit, il voit tout. Il sait avec qui tu es en train de communiquer, il connaît ton cœur. Amen. And what you communicate. Und worüber du redest. Il sait aussi de quoi tu parles. The pastor is there, you want to paint Jesus. Mm. You've got children out there, you want to paint Jesus. Mm. But when nobody is there, is he still Christ? Wenn der Pastor da ist, dann lässt du es wie Jesus aussehen. Wenn Kinder Gottes da ist, lässt du es wie Jesus aussehen. Aber wenn keiner davon da ist, ne, was ist dann da? Was bleibt dann übrig? Quand le pasteur est là, tu es en train de peindre tes actions avec Jésus-Christ. Quand les enfants de Dieu sont là, tu es en train de peindre aussi tes actions avec Jésus-Christ. Mais quand eux, quand ils sont pas là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est aussi, il s'agit de Jésus-Christ? You know, those you communicate with, they might be even your brothers and sisters. Even in the so-called Christ. Und diese Leute, mit denen du sogar kommunizierst, das sind vielleicht sogar Geschwister in Christus. Les gens avec qui tu es en train de communiquer, peut-être c'est aussi ça. Ce sont aussi tes frères et sœurs en Christ. Because you know those you know that they are so fast to go to evil. To their feet is swift. They said the feet that be swift in running to mischief. Mm. You know them. You know those that will now that will be on your side. Mm. It's not those that will correct you. It's not those that will be there for you for Christ Jesus. Mm. But you know those that you can bring to your side. Mm. Who are you? Man läuft schnell zu den Leuten. Man ist schnell, er läuft schnell zu den Leuten, die dir zustimmen, ne? Die deine Gedanken unterstützen, die sie füttern, die dich sogar hypen in diesem Bösen. Aber du gehst nicht zu den Leuten, die dich konfrontieren mit der Wahrheit, die dich belehren. Il y a aussi, par exemple, tu peux aussi communiquer avec les enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Ça peut être même une sœur ou bien un frère à l'église, mais qui a aussi des pieds qui se hâtent de courir vers le mal. Tu sais vraiment que c'est aussi ton frère ou bien ta sœur en Christ, mais tu sais comment lui emmener de ton côté. Tu pars chez la personne, parler avec la personne qui ne va pas t'emmener près du Christ, mais qui va renforcer peut-être ta chair. Et ça, qui es-tu? C'est quelque chose de dangereux dans une église vivante. You know, this spirit loves a dirty place. It's like bacteria. I don't know if you don't understand. Mm. You know, if there's a place dirty, you know, before you know it, there's bacteria. Mm. You know, this spirit loves, you know your communication. Mm. He's looking for how you open the way for Satan. Mm. It's so, sometimes you don't even... yeah. The door will be your open. They're on their own. Satan is on his own. You just open the door. Then he will do it. He have his own ministry. Now you blame him for doing his own ministry. Und dieser Geist, der mag dreckige Orte, ne? Orte, die unrein sind, wo viel verborgen ist, wo viel im Finsternis ist. Genauso wie Bakterien, die dann entstehen an einem Ort, wo es dreckig ist. Mm. Und Et cet esprit-là, il aime vraiment des lieux ou bien des cœurs, disons des cœurs aussi. C'est un lieu qui est vraiment, qui a des histoires en cachette, qui ne croit vraiment pas 100%, qui croit en 80%. Donc c'est une place, c'est comme des bactéries qui sont en train de... qui aime des places un peu sales pour s'attacher en fait. C'est cet esprit aime des histoires comme ça. Et c'est pour cela que tu dois permettre ton cœur à être pire et pur. Et ne pas être avec des histoires bizarres dans ton cœur, cachées. S'attacher et se reproduire. Oui, pour s'attacher et se reproduire encore. Amen. You know, bacteria, you know, once you go to corona, for example, you go outside, when you come in, you wash your hand, but you do not see any shit on your hand. You might not see anything something is in your hand. And that is how it is also. That you do not know that you are opening the door for that Satan, it will come in. Mm-hmm. You might not even, you are not aware. For you, it is just I'm speaking to one of God's children. But what are you communicating? Und du sagst vielleicht nur, ich rede doch mit einem Kind Gottes. Wir sprechen doch, ich rede doch gerade mit Kindern Gottes, aber worüber redet ihr ganz genau? Ne? Worum geht es da? Ne? Und es ist genauso wie bei Corona-Viren. Ne? Diese Viren, die siehst du nicht an deinen Händen. Ne? Du kannst vielleicht du kommst rein und wäschst deine Hände und hast sie nicht gewaschen, weil deine Hände, keine Ahnung, voll mit Schleim waren oder mit Dreck waren. Aber du hast sie gewaschen, weil es etwas gibt, was deine Hände verunreinigt, was fürs menschliche Auge so erstmal nicht sichtbar ist. Ne? Et c'est tout comme, par exemple, quand on dit que, oui, on va, que tu pars à la toilette et tu vas laver tes mains, par exemple. Quand tu sors, si tu ne laves pas les mains, tu ne vas pas avoir de la merde dans tes mains. Mais il y a toujours des bactéries qu'on sait qui sont là. Et c'est comme ça que, juste parce que tu ne le vois pas, ça ne signifie pas que qui n'est pas là. Juste parce que tu parles avec les enfants de Dieu, ça ne signifie pas que tu ne parles pas du mal. Who are those you phone secretly? Wer sind die Leute, die du heimlich anrufst? Mit denen du dich heimlich austauschst. Qui sont ces gens avec qui tu es en train de communiquer en secret? Ça comme da raus. Il a dit on doit sortir de là. If your communication is evil. Wenn deine Kommunikation oder dein Austauschen bösartig ist. Si ton échange avec les enfants de Dieu c'est mauvais. Meaning after outside Christ. Das heißt außerhalb von Christus Jesus. Ça signifie qu'il est hors du Christ, en dehors du Christ. The door will be open for this spirit to come in. Wird die Tür offen sein, um damit dieser Geist reinkommt? Là la porte sera ouverte pour que cet esprit puisse entrer. Beware of this spirit. Nimm dich in Acht vor diesem Geist. Fais attention à cet esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Stop ignoring the message. Hör auf, die Botschaft zu ignorieren. Arrête de ignorer le message. That evil spirit, once you allow it to come in, to take it out. Because he's coming in, he will first of all blind you. Dieser böse Geist, ne? Dieses sein Reinkommen. What's he coming? No. My problem. Er kommt erstmal rein. That's why prevention is better than cure. Er kommt erstmal sozusagen rein. It's not when it's not dead that you want to push it out. Er kommt erstmal sozusagen rein und dann schmeißt er dir erstmal ein Tuch über den Kopf, damit du erstmal blind bist und nicht weißt, wohin. Na? Et oui, c'est vraiment faire, il faut vraiment faire attention parce que cet esprit-là, quand ça entre pour l'enlever, c'est vraiment difficile, c'est pas facile. And that's why when things are happening, God, children are asking you what is wrong, what is going on. Let us know. Don't say there's nothing when there's something. I don't know if you are getting it. Because they are seeing a spirit want to come in. They can see this demonic spirit is about, is on its way. It's knocking. And you are opening the door one way or the other by shutting up your mouth and not speaking to God's children that you're supposed to be there to speak with so that they can help you. To you know, iron sharpening iron. And say no to this Satan. But you always, it's all the time, it's always nothing's happening. Nothing is happening until it's now obvious that everything is blessed. Everything is blessed. Everything is blessed. Before you know it, nothing is blessed. Und ja, und wenn deine Geschwister dich fragen, ne, und weil sie merken, dass irgendwas nicht stimmt, ne, sagt nicht, es ist nichts los, obwohl etwas los ist, ne, weil deine Geschwister sind halt nicht blind, ne, sie können ersehen, dass da was nicht stimmt, ne, und deswegen sei ehrlich zu ihnen, damit sie gemeinsam mit dir, ne, sozusagen an diese Front ziehen können und das verweigern können, was nicht von Christus ist in deinem Leben, weil sonst, wenn wir uns die ganze Zeit was vormachen, wird es irgendwann ans Licht kommen, dann ist es vielleicht schon lange zu spät. It's too late. En fait, il faut vraiment faire attention parce que cet esprit est vraiment dangereux et c'est pour cela qu'on doit avoir habitude à parler à l'école biblique, à l'église, à parler avec à communiquer avec oui, nos frères et sœurs parce que quand on va te demander quelque chose parce que ça se voit quelquefois que le diable est en train de t'attaquer ou bien tu as un combat. Et quand on te demande, tu dis oui, tout va blessed, tout est bien, tout va bien, mais tout ne va pas bien et tu ne parles pas avec tes frères et sœurs et à la fin, ça sera trop tard. C'est vraiment dangereux parce qu'à la fin, c'est trop tard et tu pars. Amen. You know, God's children want to be there for you. Kinder Gottes wollen für dich da sein. Les enfants de Dieu veulent être là pour toi. And you keep on, you shut them out all the time. Aber du schließt sie immer wieder aus. Mais wimmelst sie immer wieder ab. Mais toi, tu es en train de... Oui, tu es en train de le faire croire que tout va bien, de prétendre, en fait. You don't say things are good when they are not good. Du sagst Du sagst nicht, dass Dinge gut sind, wenn sie nicht gut sind. Tu ne dis pas que tout va bien si rien ne va bien. You say things are good when it's all about Christ. When you're when you're everything is all about Christ. It's not pretending that things are good when they are not good. Genau. Du tust nicht einfach nur so, ob Dinge gut sind, obwohl sie nicht gut sind, ne? You know that your mind, your heart, you are full of problems. Your heart is so you can see grudges or something is happening. Or heavy. It's heavy. And you know you feel you are saying it's good. That you say it's good does not change the heart. Dass du sagst, etwas einfach gut ist, ändert nicht die Wurzel dieser Sache, das Herz dieser Sache. En fait, on va comprendre que tu dis que tout va bien. Mais tu ne dis pas que tout va bien quand tu as vraiment un problème dans ton cœur. Parce que tu connais ton cœur. Tu sais que le cœur est un peu... Oui, c'est un peu... oui, tu as une rancune dans ton cœur. C'est un peu trop lourd. Ou tu as quelque chose qui te fait mal. Et les enfants de Dieu te demandent comment vas-tu. Tu veux te débarrasser de tes enfants, de tes frères et sœurs. Tu dis, ben, ça va bien. Tu ne prétends pas que ton cœur va bien quand tu as un problème, quand ton cœur est lourd. Yes, sir. Ich habe da schon eine Frage. Once you write it down, before you use umbrella because so that rain, because you use umbrella because it's raining and not for it to rain. Du benutzt einen Regenschirm, weil es regnet. Du benutzt nicht einen Regenschirm, damit es regnet. On doit comprendre qu'on utilise un parapluie. Quand il ne pleut pas, alors tu utilises un parapluie pas pour qu'il puisse pleuvoir en fait. And that is faith. Und das ist Glauben. Et ça c'est la foi. Faith is not I'm saying it so that it will be so. I'm saying it because it's so. glauben es nicht, ich sage es. I'm using the umbrella because it's raining. Mm-hmm. I'm not using umbrella so that it will rain. Ja. Glauben es nicht, ich sage es, damit es so ist, sondern ich sage es, weil es so ist. Genauso, ich benutze einen Regenschirm, weil es regnet, nicht ich benutze einen Regenschirm, damit es regnet. Et la foi, c'est comme si tu dis quelque chose parce que c'est comme ça. Tu ne dis pas quelque chose pour que ça puisse devenir comme ça. Tout comme tu utilises un parapluie parce qu'il pleut et pas pour tu n'utilises pas un parapluie pour qu'il puisse pleuvoir. That's why people are not healed when it comes to faith. That's why they are not getting anything when it comes to faith. Because they use it like umbrella. They are using this umbrella so that it will not rain. It's not so it's not because it's raining. If you look at, you know, if there is problem, you see Christ, that's why the message is so good. The Christ message, the word of Christ. Und deswegen versterben viele Leute, Kinder Gottes, ne, an vielen Dingen, an Krankheiten oder anderen Sachen, weil sie das Prinzip nicht verstehen. Ja, c'est pour cela il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en train de mourir avec des maladies parce que eux ne comprennent pas le principe de la foi. Because they let me speak because of what this interpretation. Because people always see that they are saying it so that it will be so. Weil Leute denken immer, ich sage es. They are not saying it because it's so. Damit es so ist. Ich sage, ich bin geheilt, damit ich irgendwann geheilt bin in der Zukunft. Aber sie sagen es nicht, weil sie glauben, dass es so ist. And not now. Par exemple, les gens sont en train de dire que oui, ils vont bien pour qu'ils puissent devenir bien. Donc, qu'ils vont bien, oui, pour que ça puisse devenir. Et ils ne disent pas qu'ils sont bien parce qu'ils sont vraiment bien. Donc, ils sont en train de confesser seulement pour qu'une chose puisse, oui, puisse se passer. Et pas parce que la chose a déjà été passée. If you say things are good, it means you are completely Christ. Wenn du sagst, dass Dinge gut sind, dann heißt es, sie sind komplett Christus und deswegen sind sie gut. Quand tu dis quelque chose est bien, ça signifie que la chose est complètement Christ. It's not when it's still disturbing you in your heart. Nicht wenn es dich immer noch im Herzen stört. Is it that faith or no? Mais pas quand ça te dérange encore dans ton cœur, parce que là, c'est plus la foi. Entweder das ist ein Glauben oder nicht. Donc, ou tu le fais dans c'est la foi ou c'est pas la foi. I hope you understand. Si ça te dérange et tu le dis, donc ça, c'est pas vrai. Why are you saying everything wonderful? Wieso sagst du, dass alles wundervoll ist? Pourquoi tu dis que tout va bien? Because you are walking in the spirit. Weil du im Geist wandelst. You are not walking in the spirit so that everything will be wonderful. Du wandelst nicht im Geist, you damit alles wundervoll ist. You are walking in the spirit because that is what it is. Du wandelst im Geist, you are really sure in your heart that it is over. Alles wundervoll. And that's your joy. Then you cannot steal your joy. That people can see it stealing your joy. It means what you are even saying that everything is good is not good. Mm. Und es kommt aus der Überzeugung daraus. Es kommt aus der Überzeugung. Und diese Aussage kommt aus der Überzeugung daraus, weil du glaubst, dass wirklich alles wundervoll ist. Nicht damit alles wundervoll ist. Und du kannst sagen, alles ist wundervoll, aber du sagst es zähneknirschend. Du sagst es total niedergeschlagen. Das beweist und zeigt, dass das alles andere als wundervoll ist. Et tu ne dis pas que tout va bien quand tu sais que tu as quelque chose qui te dérange, par exemple. Tu dis que tu vas bien quand tu sais vraiment que tu n'as rien qui te dérange, tu vois que le Christ, tout est parfait, et là tu dis que c'est bien. Mais quand tu dis que oui, je vais bien, mais dans ton cœur, tu as peur, ou bien tu es effrayé, ou bien tu as un truc qui te dérange, là tu es en train de mentir, là c'est pas vrai, parce que là c'est comme si tu es en train de dire ça pour que ça puisse devenir bien. Mais